You know, they go around acting like they're gay and stuff. Oh, like, there they go. Huh? There they are. J'rappe pour le rap. J'rappe pour le rap. J'rappe pour le rap. J'rappe pour le rap. J'rappe pour le rap. Pour les arabes blancs et blacks, à tous ceux qui ont passé des chaînes pour qu'ils dérapent plus. Les amateurs de ceux qui tuent, à l'actu pour le verra. Je m'endors du siècle, je brise le combat. J'rappe pour le rap, pas pour les chiffres à la frac. Pas pour vendre mon cul, pour mon album d'aller Baxter. Rap pour le fric, un pas à niquer la zif. Mais à chaque sortie, ils entendent les siffles, même public. J'rappe pour le rap, j'rappe pour le plaisir. Quand nos ennemis ferment leur gueule comme du rock, ça fait zézir. Il nous reste voir le bien, car on a déjà vu le pire. Comme album de Bokora dans le rayon, j'en veux pour rire. J'rappe pour le rap que nous mène à l'attaque. Qui fait les mille, lever les bras et qui met les fois à quatre pattes. Rap d'un bas qui fait mal, comme sur blessure du sel. Rap qui m'accueille avec du bain et du sel. Mes frères, rap pour le rap, parce que nos galères coupent pas dans la mer. Parce que la vie nous a habitués à son goût amer. Parce qu'il y a trop de faux qui tournent autour de peau. L'alerte, parce que y en a marre de la musique de merde. J'rappe pour le rap. Et pour tous ceux qui me supportent, pour tous ceux qui m'ont compris, ils vont comprendre, j'ouvre les portes. Alors de ce couplet, je repose à ta mon escorte. Nos effectifs, c'est important qu'on la série de Ford. J'rappe pour le rap, et pour mes gars du 13. J'rappe pour le rap, et sur les trucs ça pèse. J'rappe pour le rap, pas pour faire le con. J'rappe pour le rap, que ça te plaise ou non. Tout comme mes potes, j'rappe pour le rap. J'ai pénétré dans la trappe du hip-hop. J'suis ni un philosophe, ni un prof. J'suis pas drogué à la Smirnoff, la soifée de rap hardcore. J'rappe pour le rap, j'raconte pas ma vie mais présente mon décor. J'rappe pour le rap, pas pour le disque d'or. Ni pour vendre en quantité et avoir les couilles en or. J'rappe pour le rap, je soigne mes textes, que ce soit freestyle ou complexe. J'arrive pas à parler des mêmes choses, je change aussi de poids et de contexte. Tu contestes, les gens perplexes qui ne croient pas en nos textes. J'rappe pour le rap, j'suis pas un mytho ni un clown comme Bozo. J'sors pas des blagues style Patrick Bozo. J'pars pas la chasse à mon micro, j'me jette à l'eau, me confie dans mon intro. Ma vie c'est le rap et j'ai pas fait l'impasse. Comme l'OM, j'ai trop au but, j'joue pas trop en passe. Mon rap comme un cache, j'dévalise tout. J'laisse pas de trace, tu te haines pour mon place. Narco, je te cache, je réponds à l'appel. J'rappe pour tous mes frères absents dont je me rappelle. Avec mes rimes, mon frère, je t'en sorcelle. J'ai pas besoin de pelle, j'rappe pour le rap et sans elle. MC avec mes rimes, j't'écrase. J'rappe pour le rap et pour mes gars du 13. J'rappe pour le rap et sur les trucs ça pèse. J'rappe pour le rap, pas pour faire le con. J'rappe pour le rap, que ça te plaise ou non. On représente le rap de Mars, c'est sûr qu'on n'est pas des sopranos. Même si on est calibré comme Rocco, au micro c'est Narco et Big Jam. As-tu compris notre démarche? J'rappe pour le rap et pour mes gars du 13. J'rappe pour le rap et sur les trucs ça pèse. J'rappe pour le rap, pas pour faire le con. J'rappe pour le rap, que ça te plaise ou non. J'rappe pour le rap, j'rappe pour le rap. J'rappe pour le rap, j'rappe pour le rap. J'rappe pour le rap, j'rappe pour le rap. J'rappe pour le rap, j'rappe pour le rap. Et on rappe pour le rap.